20-20, activation orale, jamais, toujours, rien, quelque chose. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Vous n'avez jamais rien à faire. Et vous dites. Mais si, j'ai toujours quelque chose à faire. Allons-y. 2. Elle n'a jamais rien à faire. Mais si, elle a toujours quelque chose à faire. 3. Je n'ai jamais rien à dire. Si, tu as toujours quelque chose à dire. 4. Il n'a jamais rien à faire. Oh, si, il a toujours quelque chose à faire. 5. Il n'y a jamais rien à voir. Mais si, il y a toujours quelque chose à voir. 6. Mais il n'y a jamais rien d'intéressant. Oh, si, il y a toujours quelque chose d'intéressant.